Remarque du donneur de voix. Alexandre Dumas père ne fut pas qu'écrivain, mais également traducteur. C'est ainsi qu'il traduisit en français Ivanhoé de Walter Scott, qu'il ne fit pas éditer lui-même. La préface qu'il écrivit pour ce roman constitue, à elle seule, une nouvelle. La voici. Préface. Comment je traduisis le roman d'Ivanhoé, d'Alexandre Dumas père, lu par Clémentine pour audiocité.net. J'ai raconté dans mes mémoires comment je fis, vers la fin de 1821, un voyage à Paris dans le but d'y chercher une place, voulant échapper à tout prix à la monotonie de la vie de province et convaincu que la capitale me réservait le plus brillant avenir. On se rappellera quelle influence avait eu Adolphe de Leven sur ses premiers rêves de ma jeunesse, sur ses premiers mirages de ma vie. De Leven avait quitté Villers-Cotterêts et était venu à Paris où il essayait de faire jouer des vaudevilles au gymnase et aux variétés. Lorsque j'arrivai à Paris, ma première visite fut naturellement pour lui. Je le trouvai lisant un roman nouvellement traduit de l'anglais. Le nom de l'auteur de ce roman commençait à se populariser en France. Le roman avait pour titre « Ivanhoé », l'auteur était Walter Scott. J'étais fort avide de romans, mais à Villers-Cotterêts, qui, en 1821, en était encore au XVIIIe siècle, je n'avais lu que les romans de Pigault Lebrun, d'Anne Radcliffe et de Madame Cottin. Mathilde et Malek Adèle me paraissaient les dernières limites de l'art. Je lui demandai ce qu'il lisait. « Une fort belle chose, me répondit-il, dont on pourrait faire un magnifique grand opéra. Donnez-moi cela, je le lirai à l'hôtel et vous le rendrai avant mon départ. Lisez-le et gardez-le, en supposant même que vous n'en fassiez rien, c'est une excellente étude pour vous. » Je pris le livre et, le même soir, j'en essayai la lecture. J'avoue à ma honte que, nourri de la lecture de Moustier, de Parny, de Legouvet, de Florian, de Marmontel, ignorant complètement les beautés de l'antiquité grecque et latine, le romancier écossais, avec son fou, son templier, son gardien de pourceau, son Robin Hood et son ermite de Copmanhurst me parut d'abord de difficile digestion. Ce dialogue franc et rude qui, au lieu de se servir des périphrases de l'abbé de Lille, abordait franchement le mot propre, différait tellement de ce que j'avais lu jusque-là que je fus tout près d'être, à l'endroit de Walter Scott, ce que Voltaire avait été 100 ans auparavant, à l'endroit de Shakespeare, et qu'en partant je déclarais à Adolphe qu'il aurait beau dire, je préférerais toujours Pigault Lebrun à Walter Scott. « N'importe, me répondit-il avec son flegme habituel, emportez Ivanhoé et relisez-le. » Je suivis le conseil de De Leven, j'emportai Ivanhoé, et je le relus. Telle est la puissance du vrai, la fascination du beau que, comme ces enfants rachitiques à qui les Arabes font manger de la moelle de lion, je me sentis peu à peu transformé et qu'au bout d'un mois, j'avais essayé de faire un mélodrame d'Ivanhoé. C'était peut-être le 100e que l'on faisait sur le même sujet. Le mien ne fut pas plus joué que les autres, mais mon premier pas était fait vers le vrai et, par conséquent, vers le beau. Depuis ce temps, j'ai pu, par erreur, m'écarter de la route qui y conduit, mais jamais volontairement, du moins, je n'ai été en arrière. 20 ans après, j'avais fait des romans moi-même, on me traduisait à mon tour, et j'étais à peu près aussi à la mode en Angleterre que, 20 ans auparavant, Walter Scott l'était en France. Un jour, je reçus de Londres une lettre ainsi conçue. Hôpital de... Monsieur, je vous écris du lit de douleur où je suis couché, réduit à la suprême misère. Dans un moment de désespoir, j'ai voulu me tuer d'un coup de pistolet. La balle, au lieu de me faire sauter la cervelle, comme je l'espérais, a rencontré une dent qu'elle a brisée et m'est sortie par la joue. Depuis un mois, je suis à l'hôpital. Depuis un mois, je cherche si j'ai un ami au monde à qui emprunter 5 livres, et je ne trouve pas cet ami. Une illumination de la Providence m'a fait penser à vous. Je suis le traducteur des Mousquetaires, de 20 ans après, et de Monte-Cristo. Ces 3 romans ont fait la fortune de ceux pour qui je les ai traduits, et moi, je suis sur le grabat d'un hospice, sans autre pain que celui des pauvres. Excusez-moi d'avoir pensé à vous, mais d'après vos livres, avec lesquels j'ai dû m'identifier pour les traduire, il m'a semblé que vous aviez un bon cœur. Et, d'ailleurs, abandonné de tous ceux que je connaissais personnellement, force m'a été de recourir à vous que je ne connais que par vos œuvres. Si vous m'honorez d'une réponse, ne me la faites pas attendre, je vous en supplie. Vous devez comprendre ce que souffre dans un hôpital un homme d'une certaine condition. Croyez-moi, monsieur, votre bien dévoué serviteur. S. Je répondis poste pour poste. Mon cher monsieur S. Un traducteur est presque un collaborateur, et un collaborateur est un demi-frère. Peut-être, si vous m'eussiez écrit 1 mois plus tôt, n'eussiez-vous pas tenté de commettre sur vous ce crime? Sans pardon, parce qu'il est sans repentir, a dit l'auteur d'Hamlet. Mais il est trop tard. Occupons-nous de vous remettre sur pied. Je vous envoie 100 francs, et j'en tiens 150 autres à votre disposition le jour où vous m'écrirez que vous acceptez chez moi le lit et la table. Venez donc réclamer le plus tôt possible l'hospitalité que je vous offre. Peut-être la vie vous sera-t-elle plus facile en France qu'en Angleterre. Nul n'est prophète en son pays, a dit Jésus, chassé, ou à peu près, de Nazareth. Je vous attends donc aussitôt que vous aurez repris assez de force pour traverser le détroit. Tout à vous, Alex Dumas. 15 jours après, Monsieur S. était installé chez moi. Je lui avais, lui absent encore, cherché et trouvé 3 ou 4 écoliers au nombre desquels je m'étais inscrit le premier. Lui présent, je lui cherchais des traductions. Je crus un instant avoir arrangé pour mon homme une grande affaire avec la librairie nouvelle. C'était une traduction complète des œuvres de Byron, de Walter Scott et de Shakespeare, mais M. Jacotet, qui alors était directeur de cet établissement et m'avait donné sa parole peut-être un peu légèrement, la retira. Je passai 3 mois à essayer de faire une position à Monsieur S. Pendant ces 3 mois, il logea, mangea chez moi, et je fis sous ses yeux cette traduction d'Ivanhoé que nous livrons aujourd'hui à la publication. Au bout de ces 3 mois, Monsieur S., qui avait constamment touché 150 francs par mois comme argent de poche, fut atteint de la maladie du pays et demanda à retourner en Angleterre. Je n'avais aucune raison de m'opposer à ce désir. Je le favorisais même en donnant à M. S. 300 francs afin que, arrivé à Londres, il put, pendant quelque temps, chercher de nouveaux moyens d'existence avec ses jambes solides que donne un estomac bien nourri. Monsieur S. partit en me comblant de bénédictions et en me laissant ses lettres dont chacune était un témoignage de reconnaissance. Aussi mon étonnement fut-il grand lorsqu'au bout d'un mois, je reçus d'une espèce d'avocat anglais une réclamation au nom de Monsieur S. Il demandait 3 000 francs de dommages et intérêts pour la position que je lui avais fait perdre à Londres et comme indemnité du séjour infructueux qu'il avait fait près de moi. Je répondis à l'homme d'affaires que la position que j'avais fait perdre à M. S. était une place sur un lit d'hôpital et que, cette place, il serait toujours à même de la retrouver, que, quant à son séjour près de moi, il lui avait rapporté 1 000 francs en 3 mois, plus la table et le logement, ce qui faisait que je me bornais à lui souhaiter pendant toute sa vie de pareilles infructuosités. Je me croyais, par cette réponse, débarrassé de M. S., lorsque je reçus une lettre de ce même avocat me disant, premièrement, que M. S., homme religieux, puritain, de principes sévères, avait quitté ma maison, choqué des mauvais exemples que je donnais à mes contemporains, et que, si pur qu'il fût de cœur et si chaste qu'il fût de corps, il eut, en restant seulement 8 jours de plus, perdu son âme au contact de mes débordements. Deuxièmement, qu'en conséquence, et pour l'édification de la France, il allait, si d'ici à 8 jours je ne lui envoyais pas les 3 000 francs demandés, faire un livre qu'il intitulerait « Les mystères de la rue d'Amsterdam ». Je répondis à l'avocat, « Monsieur, encouragez votre client à faire cette publication. Je m'engage à la traduire en français pour l'édification de l'Angleterre et, afin que rien n'y manque, j'y ajouterai, comme préface, les lettres de Monsieur S. et, comme postface, les vôtres. » Je n'entendis plus parler de M. S. ni de son avocat. Probablement fait-il son livre. En attendant, Ivanhoé était traduit. Un de mes amis m'a demandé cette traduction pour en tirer, à son profit, le meilleur parti qu'il pourrait. Je la lui ai donnée. Pour moi, je ne l'eusse pas fait imprimer, quoique je la croie bonne, mais à titre de service, je ne sais répondre qu'un mot. Quand on me dit « donne », ce mot, c'est « prends ». Alex Dumas. Ici se termine « Comment je traduisis Ivanhoé ».